Je suis envoyé au combat depuis ce triste 11 septembre sur la terre des Irakiens, car le bif est notre genre. Et si l'on tue des gens, c'est pour le bien de la patrie. USA est un héros, et pour lui nous sommes partis officiellement pour le régime d'un mauvais Saddam Hussein. Nous venons sauver les gens de la peur et de la haine, officieusement pour le pétrole, pour le bif et pour l'église, appuyé par des mensonges. C'est toutes nos bêtises qui sont massives. Envoyé au combat depuis ce triste 11 septembre, on ne compte plus les morts, plus d'un million partis en cendres. La plupart irakiens, et si Dieu blesse America, je préfère être raté car ma vision n'est pas comme ça. La torture est un fait dont peu de personnes se souviennent. Et si les US étaient pis, y'aurait plus de Ben Laden. Fais tourner la roulette, je ne mérite pas la vie. J'ai pris conscience du génocide qu'infligeait mon pays. Je suis un soldat d'Israël qui combat la résistance, qui fusille la Palestine, appuyé par l'Occident. Je suis un homme de livre saint à qui on ment pour de l'argent. J'ai découvert que la terre promise n'est pas pour maintenant. J'ai tué tous ces gens, ces femmes et ces enfants, incendié leur maison, tout ça pour une histoire de rond. Pour ces chefs mythomanes qui ne sont pas croyants, tout ça pour de l'argent et le soutien de l'Occident. Financé par des gens qui veulent y voir un bénéfice, et nos vies comptent si peu pour ces gens amoureux du bif. Nous ne sommes pas chez nous, même l'ONU l'a dit. Que peuvent-ils faire face à la puissance des États-Unis? La torture est un fait, mais peu de personnes le savent. Les vérités du conflit sont enfouies dans les caves. Fais tourner la roulette, je ne mérite pas la vie. J'ai pris conscience du génocide qu'infligeait mon pays. Je suis un soldat de l'armée sous la bannière bleu blanc rouge, envoyé chez les Afghans pour rétablir la paix d'antan, officiellement contre les talibans qui étaient soi-disant méchants, alors que la vérité est bien autrement. C'est les champs de pavots qui intéressent l'État de France, qui récupère en douce des millions d'hectares de semences pour fabriquer l'opium des narcotrafiquants. Voilà ce que nous sommes, c'est la France qui vous ment. Une politique basée sur le trafic de cam et d'armes. Ils combattent les drogués et en secret leur font du charme. Ils favorisent la drogue que l'on retrouve dans nos rues. Ils font de beaux discours alors c'est eux qui nous tuent. N'oublie pas la torture, mais peu de personnes le savent. La France n'a pas signé tous les traités qui les condamnent. Fais tourner la roulette, je ne mérite pas la vie. J'ai pris conscience du génocide qu'infligeait mon pays. Je suis un rappeur engagé, derrière le son je porte la paix. Je prône le peace, défonce le bise et une dénonce passive de toutes ces peines. Je ne prie aucun dieu mais j'ai de l'amour dans les yeux. Je regarde les étoiles pour la justice, je fais des vœux. Appelle-moi TS9 qui vient prôner l'égalité, faire abstraction des peines de ces larmes qui ont coulé. J'écris pour m'introduire, m'instruire et puis m'écrire. Ce genre de musique qui te fait oublier le sourire. Ça va faire 10 piges que je pose et que je cause et que je dose des flots moraux. C'est le sang qui voit la vie en rose, tout comme ma prose qui a le cœur sensible, qui se fout de Benoît XVI mais trouve pur les versets de la Bible. La vie je ne la mérite pas plus qu'un haïtien. Je n'ai pas la foi ni le courage d'un palestinien. Fais tourner la roulette, je ne mérite pas la vie. J'ai pris conscience de la souffrance d'infliger mes écrits.